histoire particulière. Ils étaient 9 au départ, un seul arrivera, le 29 avril 1969. Et je ne vous dirai pas qu'est arrivé le premier. Courez vite écouter le premier épisode raconté par Yves Aumont et François Test de l'extraordinaire aventure du Golden Globe Race. Hier, c'était l'histoire de la première course de 1968. Comment ces aventuriers avaient survécu à la course. Pas facile d'être seul face à l'océan, comme le raconte Bernard Moitessier. Ceux qui ne savent pas qu'un voilier est un être vivant ne comprendront jamais rien au bateau et à la mer. Place à la suite de l'aventure en solitaire, la Golden Globe Race 2018, c'est parti. Antoine Couzeau, une simple question. Pourquoi ? Simple réponse, pourquoi pas, quand ça fait 20 ans qu'on a ça dans la tête. La littérature maritime est riche et on a des gens comme Bernard Moitessier, Loïc Fougeron, tous ces gens-là qui ont fait cette course en 68, que j'ai embarqué dans différents voyages en bateau. Et puis un jour, oui, on a envie de le faire. C'est un peu une question à tiroir, c'est-à-dire qu'en tant qu'ancien skipper professionnel, faire un tour du monde sans escale, en solitaire, c'est vraiment parachever sa carrière, c'est vraiment aller au bout des choses. Qu'est-ce que vous emportez qui vous est personnel sur votre bateau ? J'emmène une Bible, j'emmène aussi des photos de famille, des enfants, mais j'emmène surtout mes rêves avec moi, et je voudrais les ramener au Sable d'Olonne, me dire, voilà, je suis allé au bout de ce rêve-là. Alors, il y en a qui me disent, mais tu sais, il y a des rêves comme celui-ci, vaut mieux que ça reste des rêves, hein, parce que c'est quand même dangereux ou c'est un peu fou de laisser sa famille pendant 8 mois. Mais le bateau est plein. Je ne peux pas amener d'autre chose. Il est plein de rêves, mais il est aussi plein de nourriture. il est plein de bouquins, il est plein de nourriture. Je crois que je dois être un quart, trois quarts. C'est-à-dire, je pense qu'il y a... Il y a trois quarts de nourriture pour le corps et un quart de nourriture pour la tête, ouais, pour être sûr que le spirituel tienne la route aussi. Ouais. L'aventure du Golden Globe, par Yves Aumont et François Test. Aujourd'hui, 18 marins en solitaire pour un nouveau tour du monde. On l'a gonflé, on a fait vraiment un essai. Un essai en réel. Dimanche 1er juillet 2018, coefficient de marée 72. 18 marins empruntent le chenal des Sables d'Olonne pour gagner la haute mer. 50 ans après la première course en solitaire autour du monde, ils partent dans le sillage de Moitessier et de Robin Knock Johnson pour 250 jours de mer sur des bateaux de série. Un voyage en solitude au bout de soi-même. Bienvenue à bord. Merci Philippe Péché. Là on est dans le port des Sables, Philippe Péché, à bord de votre bateau, un Rustler 36. J'ai une question simple, c'est qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère ? Eh bien, quelque part, c'est un peu me prouver à moi-même, parce que dans le fond, ça doit être un peu ça. J'ai toujours eu envie de faire du solitaire. Vous me direz, il y a plein de choix possibles en solitaire. Mais j'aime bien les grandes courses, j'aime bien les choses un petit peu différentes. Et autour du monde, j'y suis déjà allé plusieurs fois, mais jamais tout seul. J'ai 57 ans et je sais qu'il ne faut pas trop traîner, donc des courses autour du monde, il n'y en a pas tous les ans non plus. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion. Ça, c'était il y a 3 ans. Et puis une fois que l'idée germe en tête, eh bien, elle fait son petit chemin et puis on est à fond dans le quotidien de la préparation d'un événement qui est assez spectaculaire et assez spécial. Philippe Péché, vous avez quand même un palmarès qui est assez impressionnant. Trophée Jules Verne avec Perron, Bruno. Tout à fait. Sydney Hobart. Oui, Coupe de l'América. Ouais, 3 fois. Ça va. Vous avez combien de mille derrière vous ? Ben, une fois, alors c'est un peu prétentieux toujours de compter combien on fait, mais une fois j'ai dû le faire pour des raisons en fait journalistiques et on a compté un peu plus de 300 000 milles en course. C'est 30 000 km, on va dire, un tour du monde. 300 000 milles, ça fait peut-être 500 000 kilomètres. Donc, ça fait pas mal le tour du monde de cumuler comme ça. Mais bon, je sais qu'à bord, eh ben, je peux tenir 80 jours, parce que je l'ai déjà fait, encore une fois, d'équipage. Mais là, c'est beaucoup plus quand même. Don McIntyre, on est ici au PC Course, au Sable d'Olonne. C'est là où on va suivre en direct cette course un peu particulière. Comment vous est venue cette étrange idée ? J'ai été inspiré très jeune quand j'étais adolescent par Robin Nocturne et le désir de l'aventure et de traverser les océans. Il était jusque-là mon héros et je me suis rendu compte que c'était simplement quelqu'un d'ordinaire qui avait fait un voyage extraordinaire. Don McIntyre, pour nous, cette course, c'est un véritable mythe. C'est des modèles anglais et des modèles français qu'on a suivis. C'est moi, Tessier, c'est Robington Johnson. Pourquoi cette course de 68 est aussi mythique ? Well, it created the whole movement of round the world. Ça a vraiment lancé et créé les choses concernant la course au large en solitaire. Et c'était à l'époque quelque chose de très simple qui ramenait à une aventure humaine. Personne ne l'avait encore fait, ce tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Et personne ne savait si c'était même possible de le réaliser. Et toutes ces histoires à propos des neuf participants, un seul finaliste, un des concurrents qui s'est suicidé, plusieurs chavirages, ont vraiment créé une histoire autour de la course. Ça a inspiré des navigateurs depuis plus de 50 ans maintenant et autour de ce record. À battre. Vous n'avez pas à être un super humain pour pouvoir faire ça, vous avez juste besoin d'être désespérément décidé et avoir la volonté de le faire. Quand un des navigateurs prendra le départ, il faudra qu'il soit absolument déterminé à finir cette course pour revenir. Don McIntyre, ce qui vous plaît, vous êtes un aventurier, ce qui vous plaît dans l'aventure, c'est quoi ? C'est d'avoir l'impression de vivre ? J'ai toujours soutenu le caractère aventureux et je pense que l'aventure rend les gens meilleurs et peut rendre le monde meilleur, vous donner une meilleure confiance en vous, la prise en compte des risques, une meilleure communication avec l'extérieur, prise en compte de son environnement, donc une amélioration de la personne. L'aventure, ça rend meilleur. Complètement. Vous apprenez des choses que vous n'apprendrez jamais en classe ou sur un ordinateur. Jean-Luc Vandenet, on est ici sur le port des Sables. On aperçoit votre bateau. C'est quel numéro déjà, votre bateau ? C'est le numéro 8, comme tous mes bateaux. Jean-Luc Vandenet, qu'est-ce qui vous pousse à faire le Golden Globe ? Alors, je ne vais pas refaire votre palmarès, mais enfin bon... De Vendée Globe, le record toujours du Tour du Monde contre vent et courant. Après tous ces records, pourquoi repartir sur un bateau plus petit, à l'ancienne ? Pourquoi ça ? Vous avez quel âge déjà ? Eh ben, moi, j'aurai au départ 73 ans. Pour l'instant, j'en ai que 72, mais les 73 arrivent. Et pourquoi repartir sur un bateau plus petit ? Parce que la course, elle est complètement différente. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait précédemment. On va revivre une course qui m'a fait rêver il y a 50 ans. On y va avec les mêmes moyens qu'en 68, c'est-à-dire que... Adieu les ordinateurs, les téléphones satellites, adieu l'électronique, les pilotes électriques, toutes les aides à la navigation qu'on a aujourd'hui. On va retrouver le côté aventure, on va retrouver le piment d'une arrivée où on doute de sa position. Et c'est ça qui m'amuse. Et puis en plus... c'est comme au premier Vendée Globe. Au premier Vendée Globe, tout le monde avait une chance. On ne savait pas trop qui allait finir premier. D'ailleurs, les deux favoris, c'était Gento et Poupon. Janteau, il a fini quatrième et Poupon, il a pas terminé. Là, il y a 18 bateaux. Sur les 18 bateaux, c'est des bateaux qui sont à peu près comparables. Tout le monde a à peu près une chance de gagner. Alors évidemment, il faut mieux avoir fait 4 tours du monde avant que d'arriver et d'avoir jamais navigué. Ça, c'est sûr. Philippe Péché, si on visitait un peu ce bateau. Allez, c'est parti. Alors là, nous sommes dans la descente. Donc le bateau est relativement profond, puisqu'on a l'un et l'autre la hauteur sous barreau. Et ici, ça va être une zone de travail, ma table à cartes, donc... lieu très important de ce type de course, puisque j'ai passé pas mal de temps à faire le point, bien entendu, mais aussi à récupérer la météo, à avoir un petit peu ma stratégie, à développer ma stratégie. Donc ça, c'est le bureau. Ensuite, de l'autre côté, on a la cuisine, le petit coin aussi sympa, parce qu'il faut se faire plaisir, parce que c'est vraiment là où on se fait plaisir. Alors, on n'a pas de glacière, sur tout bateau de croisière, normalement, il y a une glacière, il y a même maintenant des frigidaires. Eh bien, nous, on ne peut pas parce que ça ne sert à rien d'avoir du frais. Ça va durer 4, 5 jours, 10 jours peut-être maxi. Comme on part pour beaucoup plus, ce n'était pas la peine d'avoir quelque chose qui consomme de l'électricité. Allez, on avance dans le bateau. Alors là, on a une petite cloison que je normalement déroule qui va nous permettre de garder... Hop, le petit habitacle bien au sec, en tous les cas pas d'humidité, parce que ici je peux rentrer dans ce premier local avec mon ciré qui lui sera forcément de temps en temps mouillé, alors que là où j'ai le couchage, la cabine, eh bien je ne souhaite pas amener de fringues mouillées, donc je me déshabillerai ici et rentrerai là dans le carré, comme on l'appelle, sans chose qui soit dégoulinante. Donc là, on est en pleine finition de l'isolation. Comme on voit quand même dans des contrées qui sont eh bien, plutôt fraîches. Donc là, je devrais être bien au chaud. Alors, ma couchette, j'en ai qu'une. Elle sera là. Donc, c'est une couchette sur tube qui est avec une toile qui vient se loger là. Et voilà, c'est ma banette. Donc, je dormirai ici. Et de l'autre côté, c'est plutôt rangement. On continue. Voici le mât. Donc, devant le mât, on a les anciennes toilettes qui sont maintenant transformées en établi et en atelier plutôt. Donc, ici, allez, je fais un peu de place. Là, on enlève des sacs à voile. Oui, on enlève les. Parce qu'on a 11 voiles à bord. Donc, ça prend ça aussi un petit peu de place. Et alors, venez, avancez. Voilà le cabinet de toilette ou la salle de bain, mais bon, c'est assez restreint, ma foi, qui est plus devenu mon établi pour le plateau et rangement d'outils et de pièces de rechange. Philippe Péché, qu'est-ce qui pourrait vous effrayer ? De démater. En fait, c'est à peu près la seule chose qui m'empêcherait de continuer. Bon. Après, c'est un sport mécanique, ça peut arriver, c'est arrivé à d'autres, mais bon, j'aimerais bien que ça ne m'arrive pas. Donc j'ai essayé de tout faire pour... Donc j'ai un manœuvre qui est bien pensé, mais bon, c'est un aléa, on ne sait jamais. Patrice Carpentier, vous êtes directeur de course du Golden Globe Race. On confond Vendée Globe Race, Golden Globe Race. C'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'il y en a une qui s'appelle le Golden Globe et qui était la première. Ça fait 50 ans. Puisque là, c'est une sorte de jubilé, celle-ci. Hein. On fait comme avant, avec les mêmes types de bateaux, avec les mêmes moyens, sauf que pour des raisons de sécurité, parce que c'est une course. Il y a à bord des bateaux tout ce qu'il faut pour les assister ou pour eux les aider à communiquer en cas de pépin. On a l'impression, Patrice Carpentier, que c'est presque une course de monotype. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. En fait, les concurrents avaient le choix de prendre un bateau qui correspondait à une liste établie par l'organisateur. Et le point commun, c'est une fourchette de taille qui est assez limitée. Alors les bateaux sont un peu différents, mais leur potentiel de vitesse est relativement équivalent. C'est des bateaux de 35 pieds, donc de 11 mètres en moyenne, et qui sont en fait des bateaux de production, qui ont une quille longue, qui ont un safran qui est derrière la quille. Donc ces bateaux, on se retrouve au départ d'une course avec des bateaux qui sont pas faits pour courir, mais qui sont faits pour naviguer au large. Et qui ont effectivement des caractéristiques qui sont bien éloignées des bateaux modernes. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des aventuriers, des gens qui ont des expériences diverses, mais qui ont tous quand même un bagage nautique sérieux. Et puis, il y a aussi un autre truc très intéressant, c'est que pour le renom de la course, c'est que le plateau est très international. C'est-à-dire qu'il y a 18 bateaux, mais il y a 12 ou 13 nationalités, avec des profils de gens très différents. À commencer par la fille, la seule, l'anglaise, qui est toute jeune. Donc, on est loin du discours technologique des courses modernes. Là, on vient un peu au basique. Alors, Loïc Lepage, 62 ans. Je partirai sur un Nicholson 32, hein, qui sera le plus petit de la course. D'où vient cette idée de faire le Golden Globe ? Ah, ça, c'est une conséquence des lectures d'adolescence, hein. Comme beaucoup. Je crois avoir lu La Longue Route, entre autres, j'avais 15-16 ans, j'étais en première peut-être, je ne sais plus. En 2011, d'ailleurs, je suis parti faire le tour aussi. J'étais parti fin septembre, je me rappelle, et malheureusement, ça s'est écourté. Je suis rentré en collision avec un OVNI au large de Madère. Un OVNI, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Un OVNI, objet flottant, non identifié. C'était classiquement un conteneur, quoi. Et à l'annonce de la course, je n'ai pas voulu rester sur un échec, quoi. C'était une occasion unique. Voilà. Loïc Lepage, Moitessier, c'est quoi pour vous ? C'est un mythe ? C'est quoi ? Enfin, vous parliez de lecture adolescente, Caporal à la voile, La Longue Route. Bah, ça correspondait peut-être à une époque, hein. C'était les années début 70. J'étais adolescent. Bon, ça a marqué quand même, hein. Peut-être que maintenant, c'est une lecture qui aurait du mal à passer. On voit de magnifiques bateaux, des skippers professionnels, de plus en plus professionnels. La technologie est mise en avant, c'est très bien, mais on a peut-être tendance à oublier la mer, quoi. Bon, il faut rester longtemps pour l'apprécier. Et ces gens-là, ces précurseurs, passaient du temps, vu que les bateaux n'allaient pas vite. De là, on sortait des récits formidables, quoi. Vraiment. Où on parlait vraiment de la mer et de l'homme au milieu de ces éléments-là. C'est toujours attirant. Vous pouvez me lire ces petits détails. C'est un livre sur le Golden Globe de Peter Nichols, un livre de référence. J'aimerais bien que vous me lisiez cette page-là. Eh bien, voilà le détail de son avitaillement. 216 boîtes de corned beef, 144 boîtes de ragoût de viande, 48 boîtes de saucisses de porc, 72 boîtes de haricots verts. Alors, moi, 144 boîtes de haricots cuits, 48 boîtes de spaghettis à la sauce tomate. Moi, je pars pas du tout avec ce style de... Moi, je crois pas que j'ai plus de 10-15 boîtes de la même chose. Et d'ailleurs, j'ai questionné Robin Johnson sur ses 216 boîtes de corned beef. et avec son accent anglais inimitable, il m'a dit que c'est vrai que au bout de plus de 100 jours, préparer et manger uniquement du cornet de bœuf demande une certaine imagination culinaire. Alors je me suis demandé ce qu'une imagination culinaire était pour un Anglais, et on a bien rigolé. Vous, vous partez avec quoi ? J'ai un peu de tout, moi. J'ai essayé de diversifier au maximum pour justement garder le goût et le plaisir de manger. Donc je pars, comme je pars avec 250 jours de nourriture, je pars avec 500 plats de résistance. Alors j'ai puis 500 entrées, puis 500 desserts, etc. J'emmène un peu de vin, du vin en cubit de 3 litres. Alors là encore, j'ai varié, j'ai pas voulu prendre tout le temps la même chose. Je bois 1 litre tous les 4 jours, c'est-à-dire 25 centilitres par jour. Et voilà, et je m'astreins à ça, c'est-à-dire que si j'ai bu mon litre en 3 jours, et ben le 4e jour, je bois pas. Là, on a parlé de manger, mais bon, il y a la question de l'eau. Vous avez des désalinisateurs d'eau de mer sur le bateau ? Comment ça se passe pour l'eau ? Parce que c'est aussi des quantités importantes. Alors la règle est très simple, à bord du bateau, on a exactement ce qu'avait Robin Johnson il y a 50 ans. Donc à l'exception de la sécurité évidemment, où là on a pléthore de tout ce qui peut exister en sécurité. Mais en dehors de ça, Robin n'avait pas de dessal, donc on n'a pas de dessal. Donc pour l'eau, moi j'en emmène quand même pas mal, puisque je vais partir avec 300 litres d'eau, ce qui représente un petit peu plus d'un litre par jour, mais je vais en récupérer aussi, je vais récupérer de l'eau de pluie quand il va y avoir de l'eau qui va tomber sur les voiles, je vais en récupérer et ça me permettra de faire la cuisine. C'est une eau qui surtout au départ est un peu salée parce que le sel des vagues rentre dans les pores des tissus des voiles, mais pour faire la cuisine c'est très très bien et même pour s'abreuver s'il faut, je boirai de l'eau de pluie. Hein. Antoine Couseau, quand on part comme ça pour aussi longtemps, il faut être physiquement en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, je m'entretiens. Ça, c'est une hygiène de vie, j'allais dire, c'est naturel. Ensuite, c'est très simple, il faut faire le tour de l'homme. Donc, je suis allé voir un cardiologue, voir si la pompe fonctionnait bien, toute la mécanique fonctionne parfaitement. Donc, ça, c'est rassurant. Je suis allé voir le dentiste. Autant on peut accepter des coups et on peut accepter un bras cassé, un truc comme ça, mais une rage de dents, je pense que c'est vraiment extrême. Donc et on a fini par enlever deux dents, on a arraché deux dents. Donc c'était surprenant, mais il fallait le faire, c'était très important. Ensuite, c'est moins violent que les bateaux du Vendée Globe, par exemple, que les IMOCA 60, ils sont vraiment secoués, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stress. Nous, c'est quand même beaucoup plus cosy, hein. Les bateaux marchent trois fois moins vite. À l'intérieur, il y a du cuir et du bois verni. Enfin, donc on a moins cette violence et ce stress au quotidien, mais on va travailler dans la durée parce que c'est quand même une aventure ou une régate d'usure. Et vous emmenez de quoi vous distraire, un peu de livres et de musique. Qu'est-ce que vous emmenez comme quel titre, quel livre? J'aurais une Bible parce que je suis pas pratiquant, mais croyant. Et j'ai bien envie de prendre un petit peu le temps de lire, en tous les cas, certains passages. Donc ça me touche. Et sinon, côté musique, eh bien, on est limité puisqu'on n'a pas le droit au numérique. Donc, c'est les cassettes. Pourquoi vous n'avez pas le droit d'emmener un iPad ou un iPhone ? Il y a 50 ans, ça n'existait pas. Et vraiment, l'esprit de cette course est un retour en arrière, retour aux technologies d'il y a 50 ans. Au niveau des photos, des caméras, des films, c'est du Super 8 ou du 24-36, donc argentique. C'était pas simple. Hein. Et puis, pas de guidage numérique, pas de GPS comme on a en voiture pour arriver au bon endroit. Retour au sextant. Retour au sextant, aux cartes papier, autant passer à la table à cartes. Et là, d'où l'intérêt d'avoir une table à cartes bien placée et une belle table à cartes, parce qu'en effet, je vais y passer un sacré bout de temps. Qu'est-ce que je redoute le plus ? Pas forcément la navigation, parce que j'allais dire ça, on sait faire. Alors, humblement, hein, bien sûr, on en reparlera hein, quand on sera dans les 40e avec des vagues hautes comme le mât, c'est jamais facile. Mais j'allais dire ça, on sait faire. passé 5, 6, 7, 8 mois tout seul avec soi-même, il y a de la peur, c'est évident. Il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais c'est normal et c'est bien. C'est bien, c'est sain d'avoir peur, d'appréhender. Mais on travaille, il y a un travail énorme qui a été fait en amont pour justement appréhender ces peurs. Je vous donnerai la réponse dans un an. Le défi, c'est quand même celui de la solitude. Il faut être bien dans sa tête. 200, 300 jours, on ne sait pas encore. C'est la grande partie de l'aventure. Tout à fait. C'est l'aventure, en fait, c'est vis-à-vis de soi-même. Donc oui, c'est vraiment là le nœud ou la clé de cette course. Je vais me fixer un rythme et essayer d'avoir un peu un quotidien type. Je crois que la clé de la réussite pour ne pas s'ennuyer, c'est de créer des automatismes. Et alors, ça peut paraître assez bizarre, mais le fait de tous les jours faire à peu près la même chose, se créer des obligations de contrôle, de se laver, de manger, tout ça est important. Et je pense que quand on est en période de doute, et il y en aura, hein, de revenir vers sa base, revenir vers ses appuis, revenir vers ce qu'on a fait hier, je pense que ça sera important et je pense que c'est ce qui me fera tenir. Le résultat de la course, en dehors de la casse évidemment, en dehors de ceux qui malheureusement vont casser quelque chose, et ça, il y en aura sûrement comme pour le Vendée Globe, à peu près la moitié. Mais en dehors de ça, je pense que c'est à 90% une question de mental. Et je pense que si un mec a besoin d'un gourou, je pense que faut pas qu'il fasse ça, quoi. Je pense que moralement, on s'adapte petit à petit aux conditions. L'interrogation, c'est les mers du sud que je connais pas. Comme beaucoup, j'ai connu des tempêtes locales, ou des coups de vent à répétition, mais des grosses mers et surtout dans le froid, l'humidité, là, ça sera une découverte. Philippe Péché, vous avez une Bible à bord et vous avez d'autres repères dans ce registre ? En effet, j'amène avec moi pour me protéger un Saint Christophe et une Vierge Marie, qui sont des objets qui me sont chers et qui, je suis sûr, me guideront et m'aideront. Je suis sûr que dans des moments difficiles, eh bien, ça me fera du bien. Et en tous les cas, ben, j'essaie de tout mettre de mon côté et ça fait aussi partie de ce voyage pour moi. Non, pas de pronostic. Non, pas de pronostic. Il va gagner. Allez, on y croit tous. There is a sailboat out in a field on a rusty trailer covered in weeds. When the banks fail. C'était l'aventure du Golden Globe avec Jean-Luc Vandenède, Philippe Péché, Antoine Couzeau, Loïc Lepage, Patrice Carpentier, Don McIntyre. Coordination Christine Bernard, un documentaire d'Yves Aumont et François Test. We can tow it to the lake. So we'll sail through the fields all day. Fishing for beet greens in the weeds. Teaching the kids to swim. Watching for smoke beyond the hill. Une histoire particulière, c'est fini. Tous les documentaristes et réalisateurs d'Une histoire particulière vous souhaitent un très bel été à l'écoute de France Culture. Demain lundi et toute la semaine à 14h, retrouvez Sonia Kronlund pour d'autres histoires vraies dans les quartiers d'été des Pieds sur Terre. Et moi, je vous retrouve dès ce dimanche 8 juillet à 17h pour la collection Été 2018 d'Une histoire particulière. Mais vous l'avez deviné, c'est une autre histoire.